Cette commémoration qui est en cours, elle représente pour vous quelque chose d'important par rapport à la Belgique aussi, dans le rôle de de la Belgique. Qu'est-ce que vous attendez de cette revendication que vous partagez sans doute? Justice, vérité, réparation? Qu'est-ce que la Belgique doit encore faire comme travail par rapport à cette histoire du Congo, de la décolonisation? Les organisateurs de la manifestation qui va avoir lieu tout à l'heure là, c'est des Belges, ce n'est pas des Congolais. Mais évidemment, ce sont nos camarades, ce sont nos frères. Nous vivons ensemble, nous partageons beaucoup d'idées ensemble. Eux, ils pensent que la Belgique n'est pas allée suffisamment loin dans l'action qui avait été entamée au niveau du Sénat. Parce que la Belgique, à son honneur, on peut dire, est un des rares pays colonial qui ait accepté de revisiter les pages, certaines pages de son histoire, de reconnaître, par exemple, dans le cas de Lumumba, qu'elle a joué un rôle dans son assassinat. Ça, c'est ce qui apparaît dans les conclusions de la commission d'enquête au Sénat belge. Est-ce qu'elle le reconnaît honnêtement, suffisamment honnêtement? Non, mais écoutez, il y a tellement d'acteurs encore vivants, tellement d'implications que c'est du bout des lèvres. Mais enfin, la démarche a été tentée. Il y a une dynamique qui s'est mise en marche. Et c'est sur cette dynamique-là que les amis qui organisent cette manifestation aujourd'hui veulent surfer. Ils disent qu'on a fait un pas, mais ce n'est qu'un pas, il faut aller plus loin. Et vous êtes d'accord avec cette demande? Absolument, absolument. On est d'accord. Qu'est-ce que c'est aller plus loin? Aller plus loin, c'est-à-dire que l'enquête puisse réellement aller jusqu'au fond, qu'on puisse identifier les personnes, parce que c'est des personnes qui ont participé à la mise à mort de Lumumba et de ses compagnons. Et parmi ces personnes, il y avait un certain nombre de Belges, des noms connus. Et puis, il y a eu des gens qui, à ce moment-là, étaient au pouvoir, ici. Et c'était sous le gouvernement de Gaston Esquin, je crois. Donc, il faut que les responsabilités soient établies, qu'on reconnaisse à travers toutes les preuves qui continuent maintenant à être déterrées que tel a joué tel rôle et que, en final, étant donné le principe de la non-prescription des crimes qui sont considérés comme crimes contre l'humanité, qu'il y ait une action en justice, que ces personnes, même à titre posthume, là-bas, soient condamnées. Est-ce que la démarche complète n'est pas de revenir sur le rôle du roi colonisateur et ensuite de l'État colonisateur qui a commis aussi des crimes contre l'humanité qui sont en fait encore bien plus larges en portée que l'assassinat du leader charismatique qui était Lumumba? Oui, c'est-à-dire, écoutez, quand on revisite l'histoire, il y a parfois un risque d'amalgame ou de confusion. Vous savez, l'histoire, quand elle se met en mouvement, ce n'est jamais dans la gentillesse autour d'une table, non, c'est toujours dans la douleur, c'est dans la souffrance. Il y a eu de la casse, il y a eu pour la création du Congo, on connaît les circonstances dans lesquelles Léopold II a développé son œuvre, les terribles souffrances qui ont été infligées aux Congolais, des meurtres qui ont été qualifiés par certains des génocides. Mais dans l'opinion de beaucoup de Congolais aujourd'hui, on se dit, ben, écoutez, ça a été terrible pour nos aïeux, mais enfin, ça ne peut pas se justifier, mais le constat est que c'est à ce prix-là que notre pays a été créé. Donc, que voulez-vous faire? Ah, moi, je crois qu'il y a des liens historiques qui sont indestructibles. Vous savez, Mobutu s'est chamaillé avec le gouvernement belge, les ses successeurs aussi, mais on constate que les liens qui ont été établis par l'histoire ne font que se développer. Belges et Congolais se connaissent de plus en plus. Belges et Congolais se rencontrent de plus en plus. Et parle de plus en plus. Donc, c'est impossible que, par le fait seulement des gouvernants, que ces relations puissent s'estomper. Je ne crois plus que ce soit possible. Il y a une dynamique qui a été mise en marche par l'histoire, mais il va continuer. Vous avez dit que Lumumba vous a manqué. Il a aussi beaucoup manqué à l'Afrique, comme tous les grands leaders nationalistes de l'époque. Aujourd'hui, sur le continent et au Congo, est-ce qu'il y a des leaders qui peuvent, que vous voyez dans l'avenir, avoir la trempe d'un Lumumba ou d'un Nkrumah? Il y a eu Sankara qui a été aussi assassiné. Qui aujourd'hui, sur le continent et au Congo, vous donne de l'espoir? Écoutez, c'est une question assez difficile dans la mesure aussi où les époques sont différentes. Parce que les époques des luttes ont suscité des grands leaders, des combattants. Bon, maintenant, ce qu'on a constaté, c'est que les indépendances ont favorisé l'enrichissement, l'embourgeoisement des élites, de telle sorte que la généralisation de la corruption à marginaliser des gens qui ont vraiment un projet pour la collectivité. Donc, pour le moment, il faut chercher à la loupe. Les sociétés humaines ont toujours créé, enfanté en eux des gens capables de prendre le sort des autres. Mais il faut chercher à la loupe maintenant pour les identifier. Les circonstances actuelles ne permettent pas que de telles personnes apparaissent au grand jour, suscitent l'intérêt des médias. Depuis que l'Afrique du Sud a su vaincre l'apartheid, nous avons eu Nelson Mandela. Depuis lors, on ne voit plus de grands leaders charismatiques sur le continent, mais il doit en exister